12. Le livre de la science. Chapitre 241. Le mérite de la science acquise ou enseignée pour Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit: et dit: ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Sourate 20, verset 114. Dit: sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sourate 39, verset 9. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate 58, verset 11. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Sourate 35, verset 28. 1376. D'après Mu'awiyah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah accorde la science et la compréhension de la religion à celui à qui il veut du bien. Al-Bukhari et Muslim. 1377. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: il n'est permis d'envier que deux catégories d'hommes. Celui à qui Allah a donné des biens et à qui il a permis de les dépenser dans les voies du bien, et celui à qui Allah a donné une sagesse par laquelle il juge et qu'il enseigne aux autres. Al-Bukhari et Muslim. 1378. Selon Abu Moussa, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: la bonne direction et la science avec lesquelles Allah m'a envoyé sont à l'image d'une pluie qui s'abat sur une terre constituée d'une parcelle fertile qui absorbe l'eau et fait pousser en abondance de l'herbe, d'une parcelle stérile, mais qui retient l'eau en son sein et qu'Allah rend utile aux gens pour leur consommation, l'abreuvement de leurs bêtes et l'arrosage de leurs cultures. Et enfin, d'une parcelle aride, qui ne retient pas l'eau et qui ne donne aucune herbe. La première est à l'image de celui qui s'est instruit dans la religion d'Allah et qui a profité de ce qu'Allah m'a chargé de transmettre aux hommes. Il a ainsi appris, puis a enseigné aux gens. La deuxième est à l'image de celui qui n'en a pas tiré profit. Et la dernière, à l'image de celui qui n'a pas accepté la bonne direction, Huda, avec laquelle Allah m'a envoyé. Al-Bukhari et Muslim. 1379. Selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à Ali, radiyallahu anhu: je jure que si Allah guide un seul homme par ton intermédiaire, cela vaut mieux pour toi que de posséder les biens les plus précieux, littéralement qu'un troupeau de chameaux bruns. Al-Bukhari et Muslim. 1380. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: transmettez mes enseignements, ne serait-ce qu'un verset ou un hadith. Il n'y a pas de mal à rapporter les paroles des enfants d'Israël. Mais quiconque m'attribue délibérément ce que je n'ai pas dit, il a mérité sa place en enfer. Al-Bukhari. 1381. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui emprunte une voie à la recherche de la science religieuse, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Muslim. 1382. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui appelle les autres à suivre le droit chemin aura la même récompense que ceux qui le suivront, sans que la récompense de ces derniers soit en rien diminué. Muslim. 1383. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les œuvres de l'homme prennent fin à sa mort, à l'exception de trois choses. Une aumône continue, sadaqa jariya, un savoir dont profitent les gens, ou un enfant vertueux qui invoque Allah en sa faveur. Muslim. 1384. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: ce monde ainsi que ce qu'il contient est maudit, à l'exception de l'évocation d'Allah Ta'ala et son obéissance, ainsi que le savant et celui qui recherche le savoir. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan. 1385. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui va à la recherche de la science religieuse et dans le sentier d'Allah jusqu'à son retour. At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimuhallah. 1386. D'après Abu Sa'id Al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le croyant ne sera rassasié d'accomplir le bien que lorsqu'il rejoindra sa demeure dernière, le paradis. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 1387. D'après Abu Umama, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « La supériorité du savant sur l'adorateur est à l'image de ma supériorité sur le moins noble d'entre vous. » Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ajouta « Allah, ses anges, tous ceux qui peuplent les cieux et la terre, y compris les fourmis dans leurs trous et les poissons, prient en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 1388. Abu Darda, radiallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui qui emprunte une voie à la recherche de la science religieuse, Allah lui facilite une voie vers le paradis. Les anges, en signe de satisfaction, abaissent leurs ailes sur celui qui est en quête de science. De plus, les habitants des cieux et la terre, y compris les poissons dans l'eau, implorent le pardon d'Allah pour le savant. La supériorité du savant sur l'adorateur est semblable à la supériorité de la lune sur les autres astres. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or, ces derniers ne lèguent ni dinar ni dirham, mais seulement la science. Celui donc qui l'acquiert a hérité d'une part énorme. » Abu Daoud et At-Tirmidhi. 1389. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Qu'Allah embellisse et comble celui qui, après avoir entendu certaines de nos paroles, les transmet fidèlement aux autres. Il se peut en effet que ces derniers en saisissent mieux le sens que celui qui les a entendus de notre bouche. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih ». 1390. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Un mort de feu » sera placé dans la bouche de celui qui dissimulait son savoir lorsqu'il était interrogé. » Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 1391. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque acquiert un savoir que l'on est censé acquérir en vue du visage d'Allah, azza wa jal, avec pour seule intention d'obtenir quelque bien de ce monde, ne sentira pas au jour de la résurrection l'odeur du paradis. » Abu Daoud avec une chaîne de narrateurs authentiques. 1392. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, relate qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Certes, Allah ne fera pas disparaître la science en l'extirpant du cœur des gens, mais en faisant mourir les savants. Puis, lorsqu'il ne restera plus aucun savant, les gens prendront comme guide des ignorants qui répondront à leurs interrogations sans le moindre savoir, s'égarant ainsi et égarant les autres. » Al-Bukhari et Muslim. 1391.